passé de marcher en canard. Grand écart. Être belle, pour toi c'est défiler décibels. Grande sauterelle. Deux amis c'est souvent pôle nord et pôle sud. Question de tempérament, simple histoire d'aptitude. Tu t'es vu le coup du tutu, moi ça me tue beaucoup, beaucoup. T'as toujours l'air de sortir, t'as compte de fées, t'as château enchanté, genre de vampire enamouré. Toujours entre chat, entre loup, entre chien, entre nous, moi j'aime bien. Mais pense au fusible du voisin. Sans ton bouc, ton répondeur t'a classé ton look. Dès qu'une look, trop bronzé. Question de tempérament, simple histoire d'attitude. T'es pas clair, sorte d'allume de vraie berbère, étrangère. Du militant, j'en vive la fin, je travaille pour SOS danseuse. Pas de bourrée pour les valseuses. Deux amis c'est souvent, deux amis c'est souvent, pôle nord et pôle sud. Question tempérament, simple histoire d'aptitude. Deux amis c'est souvent, deux amis c'est souvent, pôle nord et pôle sud. Question tempérament, simple histoire d'aptitude. Deux amis c'est souvent, deux amis c'est souvent, pôle nord et pôle sud. Tempérament, simple histoire d'aptitude. Deux amis c'est souvent.